Des personnalités étrangères exaltent les exploits impérissables du président Kim Il-sung, grand leader. Le président de la filiale à Jamalpur de l'Institut bangladais des idées du Juche a dit que le président Kim Il-sung a créé les idées du Juche, idées de Sungun, pour ouvrir une nouvelle ère d'indépendance où les masses populaires deviennent pour la première fois dans l'histoire le maître de leur propre destin et éclaircir la vérité de Sungun selon laquelle l'arme garantit la victoire de l'œuvre révolutionnaire, l'indépendance et la prospérité du pays et de la nation. Le chef du Cercle bangladais d'études de la politique de Sungun a dit que le président Kim Il-sung a avancé la ligne d'édification de l'État conforme à la réalité du pays et aux intérêts du peuple et mis au jour le pays authentique où le peuple est maître de tout et tout est à son service. Le premier secrétaire du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique et le secrétaire du comité pour le territoire maritime du Parti communiste de la Fédération de Russie ont souligné que Kim Il-sung est vétéran politique éminent qui a porté haut la bannière de l'indépendance contre l'impérialisme pour faire promouvoir victorieusement l'œuvre d'émancipation de l'humanité. La présidente du Parti pour la paix et l'unité de Russie a indiqué que le plus grand exploit du président Kim Il-sung est d'avoir réglé à merveille le problème de successeur. Le directeur général des éditions Mit Tarmo de Myanmar a exalté que grâce au dirigeant suprême Kim Jong-un qui réalise impeccablement les recommandations du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, le peuple coréen remporte des succès remarquables dans l'édification d'une puissance économique tout en manifestant la vigueur de puissance politico-idéologique et militaire.